Chapitre 12. La date du mariage était fixée pour la fin de septembre. Sur la demande de son fils, Madame de Pendelon s'occupait du trousseau et des toilettes. Après les premiers moments de vif mécontentement, sa nature futile lui faisait accepter avec facilité ce mariage d'abord si fortement désapprouvé. Le plaisir de s'occuper de parure, fût-ce pour le compte d'une autre, acheva de lui faire oublier sa contrariété. Quant aux bijoux, en dehors des joyaux de famille, M. de Pendelon comptait les choisir lui-même après son mariage. « Voilà ma mère toute pleine de sympathie pour Annonciade, » dit-il un jour à Rennes avec un sourire de raillerie, simplement parce qu'elle lui a fourni l'occasion de s'occuper de chiffon. En outre, j'imagine qu'elle envisage l'agréable perspective de n'être plus obligée au séjour de Gerlach maintenant que j'aurai ma femme près de moi. » Run sourit avec mélancolie. « C'est probable. Quant à moi, je n'en éprouverai pas la même satisfaction. Gerlach est le lieu au monde où je me plais le mieux. »« Eh bien, tu y viendras souvent tant que tu le voudras. Ma mère n'a pas besoin de toi. Elle n'apprécie aucunement les qualités par quoi tu t'es assuré l'affection d'Annonciade et la mienne. » Run mit sa main sur l'épaule de son frère en le regardant avec émotion. « La tienne, est-ce que je l'ai vraiment, Wenaël ?»« Mais oui, ma pauvre Run, mieux vaut tard que jamais, n'est-ce pas ? Que veux-tu, je n'avais pas le temps de m'apercevoir que tu souffrais, ni de reconnaître ta grande valeur intellectuelle et morale. Il a fallu qu'Annonciade m'ouvrit les yeux, me fit comprendre bien des choses. » Run eut un sourire attendri. « Cet enfant sera notre bonheur, Wenaël. Béni soit le jour où elle est entrée dans cette demeure. » Il répéta, la voix vibrante d'allégresse, « Oui, béni soit-il ce jour-là. » Chaque dimanche, la famille Lehennec venait dîner à Gerlach. À l'encontre de Madame de Pendelon, Madame Lehennec perdait tous les espoirs dorés qu'avaient fait naître chez elle ses fiançailles. L'attitude de Wenaël ne changeait pas. Elle était correcte sans plus. Madame Lehennec ne se voyait consulter sur aucun point. Monsieur de Pendelon, soldant tous les frais du mariage, prenait les arrangements qui lui plaisaient en consultant seulement Annonciade. Pour le contrat, il avait informé son futur beau-père qu'il constituait à sa fiancée une dot de 2 millions. Conan Lehennec trouvait tout parfait, enchanté de ne s'occuper de rien, flatté d'avoir pour gendre un homme issu d'une des plus vieilles souches nobles de Bretagne et nanti d'une haute situation mondaine. Sa femme, qui tournait allègre, lui disait sèchement « C'est vraiment digne de faire l'aimable pour un homme qui a l'air de vous considérer comme la poussière de la route. Je ne vous aurais pas cru cette nature-là. » À cette déception humiliante infligée par M. de Pendelon, s'ajoutaient pour Mme Lehennec les soucis que lui causait son fils aîné. François flirtait ouvertement avec la petite Anglaise qui, au dire de Goulven, admirait si fort le marquis de Pendelon. Cette jeune personne, dont la réputation de légèreté commençait à se répandre dans Brahe et les environs, entraînait François en de lointaines randonnées dans sa petite voiture, se faisait payer des goûters, offrir de menus cadeaux, toutes choses pour lesquelles ne suffisait pas la maigre bourse de François. Il faisait des dettes, importunait sa mère pour qu'elle les payât et, à la moindre remontrance, s'enfonçait dans une mauvaise humeur irréductible. Comme un jour, Annonciade parlait de son frère à Wenaël, celui-ci répondit « Oui, je connais cette Anglaise pour l'avoir rencontrée plusieurs fois. Assez jolie fille, mais passablement hardie. Elle se moque de François probablement. Tant pis pour lui, le jour où il s'en apercevra, ce sera une bonne leçon. » Quant à Madame Lehennec, je doute qu'elle ait beaucoup de satisfaction avec son Benjamin. C'est bien, d'ailleurs, tout ce qu'elle mérite. Annonciade, plus d'une fois, avait déjà constaté chez M. de Pendelon une sorte d'animosité à l'égard de sa belle-mère. Aujourd'hui, elle demanda, sur un ton de souriant reproche, « Vous paraissez l'avoir en bien grande antipathie, cette pauvre Madame Lehennec. » Il sourit à son tour. « Certes, et elle s'en est aperçue, évidemment. C'est, du reste, ce que je veux. Ses calculs se trouveront ainsi déjoués. »« Ses calculs ? Mais oui, je vous expliquerai cela plus tard, ma chérie. La bonne dame est férocement ambitieuse, sous des airs tranquilles. Avec cela, habile, assez intelligente. Elle vous aurait tout à fait exploité au point de vue travail si vous étiez resté chez elle, Annonciade. Grâce à vous, je n'y reste pas. Un regard de tendre gratitude se levait sur Gwenaëlle. Et vraiment, je me demande parfois si ce n'est pas un rêve, si je ne vais pas m'éveiller. Elle considérait le vieux manoir qui contenait tant de trésors et dont elle serait dans quelques jours la châtelaine. Puis ses yeux revenaient vers le fiancé qui la contemplait amoureusement, si finement jolie dans cette robe de voile mauve dont le grand col de guipure découvrait le cou souple et blanc. Oui, ne rêvait-elle pas, en effet, qu'elle allait devenir la femme de ce grand seigneur, de ce Gwenaëlle au goût raffiné, à l'intelligence brillante et subtile, elle, la simple petite fille du bon monsieur Labarède? Gwenaëlle se mit à rire en attirant vers lui le jeune visage. « Mais non, vous ne vous réveillerez pas, mon cher Lys. C'est près de moi que sera désormais votre place et je vous la ferai douce, je vous le promets. » La cérémonie nuptiale eut lieu au début de la semaine suivante dans la vieille chapelle sombre du manoir, décorée d'une profusion de fleurs et merveilleusement illuminée, devant une assistance restreinte de parents et d'intimes. Il y avait là deux oncles maternels de Gwenaëlle, des cousins et cousines, trois de ses amis avec lesquels il avait repris quelques relations épistolaires depuis qu'il était sorti de sa misanthropie. Tous, fort surpris à l'annonce de ce mariage, s'accordaient maintenant pour convenir que la beauté, la distinction de la fiancée, ne laissait rien à désirer. Après tout, comme dit l'un d'eux, Gwenaëlle faisait là une folie fort raisonnable. Après la cérémonie, un déjeuner réunit les invités dans la grande salle à manger de Gerlach. Un peu après le repas, les nouveaux mariés s'éclipsèrent pour revêtir leur tenue de voyage. Comme Run, qui aidait sa mère à faire les honneurs, se trouvait seule à un moment, elle vit venir à elle Madame Le Hennec, d'une correcte élégance dans sa robe de crêpe noire ornée de vieilles dentelles, héritage d'une aïeule. « Eh bien, mademoiselle, monsieur votre frère va donc nous enlever notre petite Annonciade. Je ne doute guère, d'ailleurs, qu'il ne la rende très heureuse. Elle le mérite si bien, d'ailleurs. » Madame Le Hennec parlait avec une affectation d'aisance sous laquelle Run discerna aisément quelque embarras. De cette voix brève, qui donnait à ses paroles une apparence de rudesse, mademoiselle de Pandelon riposta « Certes, j'ai confiance que Gwenaëlle saura toujours apprécier les qualités charmantes de cet enfant qui est déjà pour moi une sœur très chère. Oui, je sais qu'elle vous est très reconnaissante de l'affection que vous lui avez toujours témoignée. » Cette affection, je l'ai éprouvée pour elle dès les premiers jours. Il semblait qu'une intuition m'avertissait qu'elle serait une joie pour notre maison. Elle va nous manquer beaucoup, cette petite. Nous nous étions accoutumés à elle. » Comme Run ne disait rien et attachait sur elle un froid regard, Madame Le Hennec poursuivit, l'air gêné. « Enfin, puisque c'est pour son bonheur. » Monsieur de Pandelon a témoigné à son égard d'une grande bonté, d'une grande générosité. Une seule chose me peine, et je vais vous le dire bien simplement, mademoiselle. Il semble qu'il est pour nous une sorte de prévention dont je ne saisis pas le motif. Une prévention? Oui, c'est exact, et je vais, moi aussi, vous répondre franchement. Mon frère se montre très irrité que chez aucun de vous, Annonciade n'ait trouvé l'affection qu'il était cependant si facile de lui donner avec une nature comme la sienne. Comment? Mais nous l'avons accueillie de notre mieux. S'est-elle donc plainte à vous, à monsieur de Pandelon? Jamais. Nous avons seulement deviné bien des choses et, entre autres, pourquoi vous avez permis qu'elle fréquentât Gerlach assidûment. Une rougeur monta au teint clair de Madame Le Hennec. En détournant un peu les yeux du regard scrutateur, elle dit en balbutiant légèrement « Pourquoi j'ai permis, pour être agréable à Madame de Pandelon simplement ? Et pour que votre belle-fille devienne marquise de Pandelon ? Mademoiselle !» Run eut un sourire d'ironie en poursuivant avec calme « C'était bien combiné !» Mais admettez un instant que Gwenaëlle n'ait pas aimé Annonciade comme elle méritait de l'être. Admettez qu'il n'ait rien voulu entendre pour la bonne conclusion de votre petit plan. dans quelle situation mettez-vous cette jeune fille dont vous deviez être, pourtant, la conseillère et la protectrice ? Voilà ce que mon frère ne vous pardonnera jamais, car Annonciade lui est trop chère pour qu'il oublie que vous l'avez jetée dans le danger, délibérément, par ambition. » Madame de Pandelon, qui cherchait sa fille, s'approcha à ce moment, et Madame Lehennec s'éloigna, la physionomie contractée, certaine cette fois que tous ses rêves s'en allaient à volo. Elle passa près de François, très empressée près d'une jeune cousine des Pandelon, assez laide, mais fort riche. Lui aussi avait fondé beaucoup d'espoir sur le mariage de sa sœur. Monsieur de Pandelon, sachant par lui-même ce qu'étaient les folies de jeunesse, lui paierait ses dettes et, par ses relations, lui préparerait un bel avenir. Tous, d'ailleurs, misaient sur cette alliance pour un profit personnel. Goulevin songeait aux promenades qu'il ferait dans les voitures ou sur le petit yacht de son beau-frère, Agnès aux cadeaux qu'elle recevrait de sa sœur, Conan Lehennec aux précieuses antiquités celtiques possédées par le marquis et dont quelques-unes peut-être lui seraient offertes si Annonciade en exprimait le désir à son mari. Or, tous ces beaux songes s'effondraient devant la froide indifférence de Wenaël et son parti pris d'observer tout juste les strictes convenances à l'égard de la famille d'Annonciade. Madame Lehennec connaissait maintenant la raison de cette attitude. Mais elle se garda bien d'en dire un mot à son mari et à ses enfants, le résultat de ces machiavéliques combinaisons n'étant pas de ceux dont il convenait de se vanter. Vers la fin de l'après-midi, une voiture emmena hors de Gerlach les nouveaux époux. Wenaël voulait faire connaître à sa femme les points les plus intéressants de la Bretagne et de la Normandie avant de gagner Paris, où il séjournerait quelque temps dans le vieil hôtel qui possédait M. de Pandelon. Un peu après, les hôtes de Gerlach étant rentrés dans leurs appartements et les Lehennec ayant réintégré leur domicile, Run monta dans la bibliothèque. Elle s'avança sur la terrasse et les mains contre la balustrade de granit, demeura un long moment songeuse, les yeux sur la mer très grise, très houleuse, qui grondait à cette heure du flux en commençant de s'engouffrer dans les grottes et les entonnoirs rocheux. Elle pensait à son frère, à cette jeune fille qui l'emmenait, cette Annonciade à l'âme forte, au cœur délicat, dont il semblait si profondément épris. Hier, il avait dit à sa sœur, avec un sourire dont l'émotion se mêlait d'une sorte de légère ironie, « Je t'assure qu'elle sera très heureuse, Run. Elle est le seul être au monde qui soit capable de me rendre meilleur et de me retenir à la vie. » De ceci, Run était persuadé. Annonciade pouvait être le salut pour cet homme, jusque-là gâté par l'existence, mais que n'avait pas laissé insensible le charme tout intérieur caché sous la beauté physique dont il était amoureux. Elle se rassurait donc un peu sur le sort de la nouvelle marquise, car elle comprenait que l'épreuve avait déjà commencé de changer quelque peu l'âme de son frère. Quittant la terrasse, elle vint s'asseoir dans la bibliothèque, assombrie par le crépuscule. Là, elle reprit sa songerie, qui suivait sur les routes bretonnes, Annonciade et Wenaël ses plus chères affections.